Chapitre 19e. Visite d'ange. Mrs. Hale s'amusait et s'occupait singulièrement de l'idée du dîner à Thornton. Elle s'appesantissait sur 1000 détails, avec la simplicité d'un enfant qui veut qu'on lui raconte d'avance le plaisir qu'il doit avoir. Mais la vie monotone que mènent les malades les fait souvent ressembler aux enfants, en ce que ni les uns ni les autres, n'ayant le sentiment de l'importance relative des événements, ils sont également portés à regarder le petit monde compris entre les murs et les rideaux qui les enferment, comme infiniment plus considérable que tout ce qui est au-delà. Puis, Mrs. Hale avait aimé les vanités lorsqu'elle était jeune fille. Elle en avait fait le sacrifice, non sans quelque amertume, en devenant la femme d'un pauvre ecclésiastique. Mais ses goûts étaient chez elle plutôt étouffés qu'éteints, et elle prenait plaisir à se représenter Marguerite habillée pour une grande réunion. Elle se préoccupait de la toilette de sa fille avec une agitation et une inquiétude qui faisaient sourire celle-ci, car Marguerite avait vu plus de monde dans la seule année qu'elle avait passée à Harley Street que sa mère à Helstone en 25 ans. « Tu dis donc que tu mettras ta robe de soie blanche, mais es-tu sûre qu'elle ira bien ? Songe donc qu'il y a près d'un an qu'Edith s'est mariée. « Oh oui, maman, c'est Mrs. Murray qui l'a faite, et ses robes vont toujours bien. » Tout au plus serait-elle d'un doigt trop courte ou trop longue de taille, selon que j'ai engraissé ou maigri, mais je crois que je n'ai changé d'aucune façon. C'est égal, tu feras mieux de la laisser examiner à Dixon. Elle a peut-être jauni dans l'armoire. Comme vous voudrez, maman. Mais dans tous les cas, j'ai une jolie robe de gaze rose que ma tante Shaw m'a donnée 2 ou 3 mois seulement avant le mariage d'Edith. Celle-là n'aura pas jauni. Non, mais elle sera peut-être fanée. « Eh bien, j'ai encore ma robe de soie verte. Je crains plutôt de me trouver dans l'embarras des richesses. »« Je voudrais bien savoir ce que tu mettras, » dit Mrs. Hale d'un air d'inquiétude. Le ton de Marguerite changea tout à coup. « Voulez-vous que je les mette l'une après l'autre, maman ? Et alors, vous verrez celle que vous aimerez le mieux. »« Mais oui, peut-être que cela vaudrait mieux. » Et Marguerite courut chercher ses robes. Elle se sentait toute disposée à faire quelque folie, en se voyant ainsi en grande toilette dès le matin, à gonfler, par exemple, sa robe blanche en fromage, ou à faire de grandes révérences à reculons devant Mrs. Hale comme si celle-ci eût été la reine. Mais lorsqu'elle s'aperçut que ses enfantillages contrariaient sa mère, qui les regardait comme une interruption à des affaires sérieuses, elle redevint calme et grave. Elle ne comprenait pas ce qu'avait tout le monde, tout son monde du moins, à s'inquiéter si vivement de sa toilette, car dans l'après-midi de ce même jour, lorsqu'elle parla à Bessie Higgins de l'invitation qu'elle avait reçue à propos de la servante dont Mrs. Thornton avait promis de s'informer, Bessie s'écria avec une vivacité inaccoutumée « Vous allez dîner chez les Thornton de Marlborough ?»« Oui, Bessie. Qu'y a-t-il donc de si étonnant ?»« Oh, je ne sais pas, mais c'est qu'ils reçoivent les plus grands personnages de Milton. » « Et vous pensez que nous ne sommes pas précisément les premiers personnages de Milton, n'est-ce pas, Bessie ?» Bessie rougit légèrement. « C'est que, voyez-vous, ils font grande estime de l'argent dans ce pays-ci. Je crois que vous n'en avez pas beaucoup. »« Non, » dit Marguerite, « vous ne vous trompez pas. Mais nous sommes des gens bien élevés, et nous avons vécu parmi des gens bien élevés. Est-il donc extraordinaire que nous soyons invités à dîner chez un homme qui se reconnaît inférieur à mon père en venant prendre de lui des leçons ? Je n'entends pas par là mépriser, Mr. Thornton. Il y a peu de commis de magasin qui fussent devenus ce qu'il est. Mais vous ne pourrez pas leur rendre leur dîner dans votre petite maison. Celle de Mr. Thornton est 3 fois plus grande que la vôtre. Malgré cela, je crois que nous pourrions, à la rigueur, rendre un dîner à Mr. Thornton. Peut-être pas dans une si grande salle à manger, ni avec tant de convives, mais j'avoue que nous n'avons pas considéré la chose sous ce point de vue. « Je n'aurais jamais cru que vous dîneriez chez les Thornton, » répéta Bessie. « Comment ? Mais le maire lui-même y dîne, et les membres du Parlement, et tous. » « Je crois que je serai de force à supporter l'honneur de rencontrer le maire de Milton en personne. »« Mais c'est que ces dames-là ont de si belles robes, » dit Bessie en jetant un regard d'inquiétude sur la robe de toile de Marguerite, que son regard de connaisseuse évaluait à 7 pence le maître. « Je vous remercie, Bessie, de vous préoccuper de ce que sera ma toilette parmi ces grands personnages, mais j'ai beaucoup de belles robes. La semaine dernière encore, je me disais qu'elles étaient beaucoup trop belles pour moi maintenant. Mais puisque je vais dîner chez Mr. Thornton et que j'y rencontrerai peut-être le maire, vous pouvez être sûr, Bessie, que je mettrai ce que j'ai de mieux. Que mettrez-vous? Dit Bessie un peu rassurée. Une robe de taffetas blanc que j'ai fait faire pour le mariage d'une de mes cousines il y a un an. Cela fera l'affaire. C'est que je n'aimerais pas vous voir mépriser. Oh, je serai bien assez élégante si cela suffit pour m'empêcher d'être méprisée à Milton. J'aimerais beaucoup à vous voir en toilette, dit Bessie. Quoique vous ne soyez pas, je crois, ce qu'on appelle jolie. Vous n'avez pas assez de blanc et de rose pour cela. Mais savez-vous que je vous ai vu en rêve longtemps avant de vous connaître? Ne dites pas de ces sottises, Bessie. C'est vrai, pourtant. Je vous voyais avec votre même figure, avec votre regard ferme et tranquille au milieu de l'obscurité, avec vos cheveux renvoyés en arrière par le vent comme des rayons autour de votre front, qui était aussi blanc et aussi droit qu'aujourd'hui. Et vous veniez toujours me donner de la force. Il me semblait que j'en puisais dans votre regard profond et consolateur. Et vous étiez vêtue d'une robe blanche et brillante comme celle que vous allez mettre. Vous voyez bien que c'était vous. Non, Bessie, dit doucement Marguerite, ce n'était qu'un rêve. Et pourquoi Dieu ne m'enverrait-il pas un rêve dans mon affliction aussi bien qu'à d'autres? N'en voyons-nous pas plus d'un dans la Bible, et aussi des visions? Mon père lui-même croit au songe. Je vous le répète, je vous ai vu clairement, venant rapidement vers moi, avec vos cheveux renvoyés en arrière par la vitesse de ce mouvement, juste comme vous les avez souvent, et la belle robe brillante dont vous me parlez. Permettez-moi de venir vous voir quand vous l'aurez. Je veux vous voir et vous toucher comme je vous ai vu dans mon rêve. Ma chère Bessie, c'est un effet de votre imagination. Imagination ou non, vous êtes venue comme je savais que vous viendriez lorsque je vous ai vu marcher dans mon rêve. Et quand vous êtes près de moi, je me sens consolé et réconforté, comme lorsque par un jour d'hiver j'approche d'un bon feu. Vous dites que c'est le 21. S'il plaît à Dieu, je viendrai vous voir. Oh, Bessie, vous serez la bienvenue. Mais ne dites pas de ces choses-là, je vous en prie. Cela me fait réellement de la peine. Alors je les garderai pour moi, quand je devrais couper ma langue avec mes dents. Mais malgré tout, ce n'en est pas moins vrai. Marguerite garda quelque temps le silence, puis elle dit « Nous reparlerons de cela quelques jours si vous croyez que cela soit vrai, mais pas maintenant. Dites-moi, votre père a-t-il quitté l'ouvrage ?»« Oui. » dit Bessie avec tristesse et d'un ton tout différent de celui dont elle parlait une minute auparavant. Il l'a quitté, lui et bien d'autres. Tous les ouvriers de Humper, d'abord. Les femmes, cette fois-ci, sont plus enragées que les hommes. Les vivres sont chers et cependant il faut bien qu'elles donnent à manger à leurs enfants. Ah, si les Thornton leur envoyaient leur grand dîner, l'argent qu'il leur coûtera, employé à acheter de la viande et des pommes de terre, ferait taire les cris de bien des enfants et calmerait le cœur de leur mère. « Ne dites pas cela. Il me semblerait que je suis égoïste et coupable en allant à ce dîner. »« Non, » dit Bessie. « Il y en a qui sont prédestinés au festin somptueux, à la pourpre et au linge fin. Peut-être êtes-vous de cela. D'autres ploient toute leur vie sous le fait du travail. Et de nos jours, les chiens même n'ont pas compassion d'eux comme au temps de Lazare. Mais si vous me demandez de venir vous rafraîchir la langue avec le bout de mon doigt, je traverserai le grand gouffre pour aller vous trouver. » En souvenir de ce que vous avez fait pour moi ici-bas. Bessie, vous avez la fièvre, je m'en aperçois à la chaleur de votre main, aussi bien qu'à ce que vous dites. Dans ce jour terrible, Dieu ne nous demandera pas si nous avons été riches ou pauvres, mais si nous avons fidèlement suivi les préceptes de Jésus-Christ. Marguerite se leva, alla chercher de l'eau et, y trempant son mouchoir de poche, le posa sur le front brûlant de Bessie. Et s'occupa ensuite des moyens de réchauffer ses pieds glacés. Bessie ferma les yeux et essaya de se calmer. Au bout de quelque temps, elle reprit. « Vous y perdriez la tête. Si vous les aviez vus entrer les uns après les autres pour demander mon père, me racontant chacun leur histoire. Quelques-uns d'entre eux me faisaient frissonner avec les choses terribles qu'ils disaient des maîtres et la haine qu'ils témoignaient contre eux. Mais la plupart étaient des femmes qui gémissaient. Tandis que les larmes coulaient de leurs yeux sans qu'elles les essuyassent, ni qu'elles y fissent seulement attention. Elles gémissaient sur le prix de la viande. Elles disaient que leurs enfants ne pouvaient s'endormir le soir tant ils avaient faim. « Et croit-elle que la grève remédiera à tout cela ?» demanda Marguerite. « Elle l'espère, » répondit Bessie. « Elles disent que le commerce est depuis longtemps prospère, que les maîtres ont fait de gros bénéfices. À combien se montent-ils? Mon père n'en sait rien. Mais l'Union le sait, bien entendu. Et, naturellement, ils veulent leur part de ces profits, maintenant que le pain devient cher. Et même l'Union leur dit que ce ne serait pas remplir leur devoir que de ne pas obliger les maîtres à leur donner cette part. Mais les maîtres ont pris le dessus de façon ou d'autre, et je crains bien qu'ils ne le gardent toujours. C'est comme la grande bataille d'Armageddon, la manière dont ils vont combattant les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'au milieu même du combat, ils tombent dans l'abîme. Nicholas Higgins entra en cet instant. Il entendit les dernières paroles de sa fille. « Et je veux continuer le combat, » dit-il, « et j'espère réussir cette fois. » Ils ne seront pas longtemps sans céder, car ils ont un grand nombre de commandes qu'ils ont acceptées à forfait, et ils s'apercevront bientôt qu'ils auront plus d'avantages à nous donner nos 5% qu'à perdre le profit qu'ils attendent, sans compter le dédit qu'ils devront payer pour n'avoir pas rempli les obligations contractées. Ah ah, mes maîtres, je sais bien qu'est-ce qu'il emportera. » Marguerite pensa que Nicolas avait bu, non pas tant à cause de ce qu'il disait, qu'à cause de l'animation avec laquelle il parlait, et elle fut confirmée dans cette idée par l'anxiété évidente avec laquelle Bessie le pressait de partir. « Le dîner de Mr. Thornton est le 21, disait-elle, c'est de jeudi en 8. J'irai vous voir dans votre belle toilette. À quelle heure est ce dîner ?» Avant que Marguerite eût eu le temps de répondre, Higgins s'écria « Thornton, vous allez donc chez Thornton ?» Ayez soin de boire au succès de ses commandes. D'ici au 21, je compte qu'il sera embarrassé pour les livrer. Dites-lui que nous sommes 700 ouvriers, prêts à nous rendre à sa filature le lendemain du jour où il nous aura accordé nos 5%, et que nous viendrons à bout de ses commandes en un clin d'œil. Vous les verrez tous là. Vous y verrez Hamper, mon maître. C'est un homme de la vieille école. Il ne parle jamais à un ouvrier sans jurer. Je crois que s'il était poli une fois dans sa vie, il en mourrait. Mais après tout, il la boit plus qu'il ne mord, et vous pouvez lui dire, si bon vous semble, qu'un des coalisés a dit cela. Vous aurez une masse de manufacturiers chez Thornton. Je voudrais pouvoir leur parler après leur dîner, au moment où ils seront disposés à se tenir tranquilles, et où il leur serait bien impossible de courir. Je leur dirai ce que je pense. Je leur parlerai de la dureté avec laquelle ils nous traitent. « Au revoir, » dit vivement Marguerite. « Au revoir, Bessie. « Je compte sur vous le 21, si vous êtes assez bien pour venir. » Les remèdes et le traitement qu'avait ordonné à Mrs. Hale le docteur Donaldson lui firent d'abord tant de bien que non seulement elle-même, mais encore Marguerite, commença à espérer qu'il s'était trompé et qu'une guérison était encore possible. Quant à Mr. Hale, bien qu'il n'eût jamais connu toute l'étendue de leurs craintes, il triomphait de son inquiétude avec un soulagement visible, qui prouvait combien ce qu'il avait soupçonné l'avait affligé. Dixon seul continua à croasser aux oreilles de Marguerite, mais en dépit du corbeau, Marguerite espérait. Ils avaient besoin de ce rayon lumineux au-dedans, car au dehors, même à leurs yeux inexpérimentés, l'atmosphère s'assombrissait chaque jour et paraissait recélée de terribles orages. Mr. Hale avait ses connaissances particulières parmi les ouvriers, et s'affligeait en entendant l'amer récit de leurs souffrances et de tout ce qu'ils avaient supporté. Ils auraient dédaigné de parler de ce qu'ils souffraient à quelqu'un qui eût été par sa position à même de le deviner. Mais Mr. Hale venait d'un pays éloigné. Il cherchait à se rendre compte des effets d'un régime au milieu duquel il était tout à coup jeté, et tous voulaient le prendre à témoin de leurs motifs d'irritation. Puis Mr. Hale apportait son budget de doléances et l'exposait à Mr. Thornton, afin qu'avec son expérience de maître, il y portât remède et lui en expliquât l'origine. Thornton la lui expliquait toujours au moyen de principes économiques judicieux et raisonnés. Il lui démontrait que la marche naturelle du commerce étant plutôt ascendante, tantôt en déclin, il était inévitable que dans les moments de ralentissement, un certain nombre de maîtres et d'ouvriers succombassent et disparussent des rangs de ceux qui étaient heureux et prospères. Il représentait cette conséquence comme tellement logique et inévitable que ni les ouvriers n'avaient le droit de se plaindre s'ils en devenaient les victimes, ni le manufacturier s'il était obligé de renoncer à la lutte avec le sentiment amer de son insuffisance et de sa chute, blessé dans le combat, foulé aux pieds par ses confrères dans leur course haletante après la richesse, dédaigné là où il avait été honoré, obligé de demander humblement ce travail qu'il distribuait naguère. parlant ainsi d'un sort qui pouvait devenir le sien par suite des fluctuations commerciales, Mr. Thornton était naturellement peu disposé à plaindre celui des ouvriers, que l'impitoyable progrès renversait dans sa course effrénée, de ces ouvriers qui, volontiers, se fussent couchés pour attendre tranquillement la mort et sortir d'un monde qui n'avait pas besoin d'eux, s'ils n'eussent craint que les cris des orphelins qu'ils abandonnaient ne les poursuivissent jusque dans la tombe, de ces hommes qui enviaient à l'oiseau sauvage le pouvoir de nourrir au moins ses petits de son sang. Le cœur de Marguerite se soulevait tout entier contre Mr. Thornton lorsqu'elle l'entendait raisonner ainsi, comme si le commerce eût été tout et l'humanité rien. Elle avait peine à le remercier de la bonté qu'il montrait exceptionnellement pour elle en lui offrant, ce soir-là même, tout ce qui pourrait être utile ou agréable à sa mère malade. Sa présence, après la manière dont il venait de parler, l'allusion qu'il faisait au fatal événement qu'elle s'efforçait de ne pas croire inévitable, tout concourait à le rendre en ce moment odieux à Marguerite. Pourquoi était-il admis à la connaissance du fatal secret qu'elle renfermait au fond de son cœur, n'osant le regarder en face que dans les moments où elle priait Dieu de lui donner la force de supporter la pensée que le jour approchait où elle crierait vers sa mère, et où elle crierait en vain? Et cependant, il savait tout. Elle le voyait dans ses yeux pleins de compassion. Elle l'entendait dans sa voix grave et émue. Comment concilier ses yeux, cette voix, avec la manière dure, sèche, impitoyable dont il posait ses axiomes de commerce, et la tranquillité avec laquelle il en suivait jusqu'au bout toutes les conséquences? La discorde qui régnait entre les ouvriers et leurs patrons l'affligeait extrêmement, depuis qu'elle avait entendu Bessie parler de la misère croissante. Nicholas Higgins tenait, il est vrai, un langage différent. Il avait été nommé membre du comité et prétendait connaître des secrets ignorés du reste des ouvriers. Il avait dit cela expressément la veille même du jour où devait avoir lieu le dîner de Mrs. Thornton, alors que Marguerite, entrant chez lui pour parler à Bessie, l'avait trouvé discutant la question avec Butcher, le voisin dont il lui avait souvent parlé, tantôt comme d'un objet de compassion à cause de son peu d'habileté comme ouvrier et de sa nombreuse famille, tantôt comme d'un être méprisable, parce qu'il manquait de ce que son voisin plus énergique appelait du courage. Higgins était évidemment en colère lorsque Marguerite entra chez lui. Butcher était debout, les deux mains appuyées sur la haute cheminée, regardant fixement le feu d'un air de désespoir qui irritait Higgins tout en lui allant au cœur. Bessie se balançait violemment en avant et en arrière, ainsi qu'elle en avait l'habitude, Marguerite le savait, lorsqu'elle était inquiète et affligée. Sa sœur Marie mettait son chapeau tout en pleurant pour se rendre à la fabrique. Elle avait évidemment hâte de quitter une scène qui lui était pénible. Marguerite resta un instant debout près de la porte, puis, posant un doigt sur ses lèvres, elle se glissa près du lit de repos de Bessie et s'assit à côté d'elle. Nicolas l'aperçut néanmoins et lui fit un signe de tête peu civil, mais amical. Marie sortit de la maison, profitant de la porte ouverte, et se mit à pleurer bruyamment lorsqu'elle ne fut plus en présence de son père. Quant à John Butcher, il ne remarquait ni qui entrait, ni qui sortait. « Cela ne sert à rien, Higgins, » disait-il. « Elle ne peut pas vivre longtemps comme cela. Elle s'en va. Non pas tant parce qu'elle manque de nourriture, mais parce qu'elle ne peut supporter la vue de ses enfants mourant de faim. Oui, mourant de faim. 5 shillings par semaine peuvent te suffire, à toi qui n'as que 2 bouches à nourrir. Et encore, une de tes filles est en état de gagner sa vie, mais pour nous, 5 shillings, c'est la famine. » Et je te le dis franchement, si elle meurt, comme j'en ai peur, avant que nous ayons obtenu les 5%, je jetterai l'argent à la face du maître et je lui dirai « Maudit soyez-vous, maudit soit votre monde cruel, puisqu'il n'a pu me conserver la meilleure des femmes qui ait jamais donné des enfants à un homme. Et vois-tu, Nicolas, je te haïrai, toi et tous ceux de l'Union. Je vous poursuivrai de ma haine jusqu'en enfer, soyez-en bien sûr, vous tous qui m'avez forcé à quitter mon ouvrage. » Tu disais, il y a eu vendredi 8 jours, et nous sommes aujourd'hui au mardi de la 2e semaine, qu'avant 15 jours, les maîtres viendraient nous supplier de reprendre l'ouvrage au prix qui nous conviendrait. Et voilà le temps écoulé, et notre petit Jack est là, étendu sur son lit, trop faible pour crier, mais pleurant de faim. Notre petit Jack, Nicolas! Elle ne s'est jamais bien remise depuis sa naissance. Mais cet enfant-là, c'est sa vie, vois-tu? et je crains bien qu'il ne me coûte ce prix-là. Pauvre petit Jack, qui m'éveillait tous les matins en posant ses petites lèvres sur ma grosse figure rude, il est là, mourant de faim. » Ici, les sanglots étouffèrent la voix du pauvre homme, et Nicolas regarda un instant Marguerite, les yeux remplis de larmes, avant d'avoir la force de parler. « Courage, mon garçon, courage. Ton petit Jack ne pâtira pas plus longtemps. J'ai quelque argent, et nous allons aller de Spa lui acheter une pinte de lait et un pain de 4 livres. Ce qui est à moi est à toi, bien sûr, lorsque tu es dans le besoin. Seulement, ne perds pas courage. » Continua-t-il, en fouillant dans une vieille théière pour y prendre le peu d'argent qui lui restait. « Je gagerai mon corps et mon âme que nous l'emporterons cette fois. Il ne faut que tenir bon encore une semaine, et tu verras comme les maîtres viendront nous prier de retourner aux fabriques. Et l'union, c'est-à-dire moi, j'aurai soin que tu aies de quoi nourrir ta femme et tes enfants. Ne te laisse donc pas aller au désespoir, et surtout ne va pas demander de l'ouvrage au tyran. » À ces mots, Butcher se retourna et laissa voir une figure si pâle, des yeux si hagards et tellement rongés par les larmes, l'expression d'un désespoir et d'un découragement si profond, que Marguerite ne put s'empêcher de pleurer. « Tu sais bien qu'il y a des tyrans plus cruels que les maîtres qui nous disent « Mourez de faim, et voyez vos enfants mourir de faim plutôt que de désobéir à l'union. Tu le sais bien, Nicolas, car tu es un de ceux-là. Vous avez peut-être de bon cœur, chacun séparément, mais quand vous êtes une fois ensemble, vous n'avez pas plus de pitié d'un pauvre homme que si vous étiez des loups furieux. » Nicolas avait la main sur le loquet de la porte. Il s'arrêta, et se retournant vers Butcher, qui le suivait de près. « Que Dieu m'ôte la vie, au lieu de me venir en aide, dit-il, si je ne crois pas agir de mon mieux, dans ton intérêt et dans celui de tous. Si je fais mal en croyant bien faire, le péché en est à ceux qui m'ont laissé dans l'ignorance. J'ai réfléchi à tout cela, jusqu'à ce que la tête m'en fît mal. Crois-moi, John, c'est la vérité. Et, je te le dis encore une fois, il n'y a d'espoir pour nous que dans l'obéissance à l'union. Nous resterons maîtres du terrain cette fois-ci, tu verras. » Marguerite et Bessie gardaient le silence. À peine avaient-elles laissé échapper un soupir. À la fin, Bessie s'écria. « Je n'espérais pas entendre mon père invoquer Dieu maintenant, mais vous l'avez entendu prononcer son nom, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Marguerite. « Je vous apporterai le peu d'argent dont je puis disposer, et aussi quelques provisions pour les enfants de ce pauvre homme. Ne leur dites pas que cela vient d'une autre personne que votre père. Ce ne sera d'ailleurs pas grand-chose. » Bessie restait couchée, sans prêter aucune attention à ce que disait Marguerite. Elle ne pleurait pas, seulement ses lèvres tremblaient et sa respiration paraissait oppressée. « Je n'ai plus de larmes, » dit-elle. « Butcher m'a fait tant pleurer tous ces jours-ci en me contant toutes ses craintes et toutes ses peines. C'est un homme faible et sans courage, je le sais bien, mais enfin c'est une créature humaine. Et quoique j'étais bien souvent en colère contre lui et contre sa femme, qui ne sait pas mieux s'arranger que lui, cependant, voyez-vous, tous ne sont pas sages et sensés, et malgré cela, Dieu les laisse vivre, et il leur donne quelqu'un à aimer et quelqu'un qui les aime, tout comme à Salomon. Et si ceux qu'ils aiment viennent à souffrir, cela leur déchire le cœur, comme cela eût fait à Salomon. Je n'y comprends rien. Peut-être vaut-il mieux qu'un homme tel que Butcher soit dirigé par l'union, mais je voudrais voir ceux qui la composent et les mettre un à un face avec Butcher. Je ne puis m'empêcher de croire que si je les tenais un à un, il lui dirait de retourner à la fabrique et de travailler, quand bien même on ne lui donnerait pas le salaire qu'ils ont fixé. » Marguerite demeurait silencieuse. Comment pourrait-elle s'en retourner chez elle et oublier la voix de cet homme et son accent d'indicible agonie qui disait mieux que toutes les paroles ce qu'il avait enduré? Elle tira sa bourse. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais ce qu'elle avait, elle le mit sans rien dire dans la main de Bessie. « Merci. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'avantage et qui s'en tirent cependant. Ou du moins, ils ne montrent pas leur misère comme Butcher. Mais mon père ne le laissera pas manquer, maintenant qu'il connaît sa position. Butcher est tombé dans la gêne à cause de sa nombreuse famille, voyez-vous. Sa femme n'est pas habile. Est-ce qu'ils avaient de meubles et depuis longtemps au Mont-de-Piété? Il ne faut pas que vous croyiez que nous les aurions laissés pâtir, bien que nous soyons nous-mêmes un peu gênés. Car si des voisins n'aident pas leurs voisins, qui est-ce qui les aidera ?» Bessie paraissait craindre que Marguerite ne crût que son père et elle n'étaient pas disposés à venir au secours de gens qu'elle regardait évidemment comme ayant des droits à leur amitié et à leur bienfaisance. En outre, reprit-elle, mon père est certain que les maîtres céderont d'ici à quelques jours, qu'ils ne peuvent tenir plus longtemps. Mais je vous remercie tout de même. Je vous remercie pour moi autant que pour Butcher, car cela est cause que je vous aime de plus en plus. Bessie était ce jour-là beaucoup plus calme, mais abattue et fatiguée. Lorsqu'elle eut fini de parler, elle parut si épuisée et si faible que Marguerite en fut alarmée. « Ce n'est rien, » dit Bessie. « Ce n'est pas encore la mort. J'ai eu une nuit affreuse, avec des rêves continuels, si l'on peut appeler cela des rêves, car je ne dormais pas, et je suis tout engourdie aujourd'hui. Seulement ce pauvre homme m'avait réveillée. Non, ce n'est pas encore la mort, mais je sens qu'elle n'est pas éloignée. Recouvrez-moi, s'il vous plaît, et je vais tâcher de dormir un peu, si la toux me laisse en repos. Bonsoir. C'est peut-être bonjour qu'il faudrait dire, mais il fait si sombre qu'on ne sait quelle heure il est. »